Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. Quand on veut se payer une bonne bouffe, l'endroit idéal, le restaurant Midas. Les hot dogs, la pizza font le délice de tous. Le restaurant Midas, c'est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert, service rapide, personnel et courtois. Restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas tient à féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicien. C'est la chronique de l'association de soccer de Dolbeau Mistassini avec la co-ordinatrice, la nouvelle assistante co-ordinatrice Justine Girard. Bonjour Justine. Salut. Justine, qu'est-ce qu'il faut mentionner cette semaine dans l'association de soccer? Dans le fond, il y a eu plusieurs victoires du côté de Dolbeau Mistassini. OK. Du côté du U8, il y a eu une victoire. Mm. Après ça, du côté de le U10-2, il y a eu une égalité. OK. U10-3, eux autres, ils ont gagné. Oui. Aussi, le U16 féminin ont gagné contre Saint-Prime. Eux autres, ils ont gagné tous les matchs là-bas, ils ont tous gagné. OK. Puis après ça, il y a le U16 masculin, qui eux autres, pour la première fois, ils ont égalisé un match. OK. Puis c'est pas mal ça, là, que, du côté des matchs, là, pour cette semaine. OK. Donc là, y a-t-il une grosse période qui s'en vient au cours de la prochaine semaine? Donc, est-ce que... Vu que c'est la Saint-Jean, dans le fond, vendredi, samedi, là, c'est pas mal tranquille, là. Il y a un match le 22, un match le 26, puis un match le 27. OK. Donc, Dans le fond, le 22, c'est un match de U10A. Le 26, c'est un match de U16 féminin. Okay. Et le 27, c'est un match de U14. OK. Donc, on va surveiller ça, évidemment. Puis, dans différents classements, ça va bien pour l'équipe de Dolbeau Mistassini, dans différents classements? Oui, ça va bien dans les classements quand même. On se classe quand même bien. OK. Ben, Justine, un gros merci. Ça fait le tour pour cette semaine. C'est sûr que tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. On s'en parle même pas la semaine prochaine? Oui, c'est bien correct. La coordonnatrice Justine Girard.